n'est pas un effet de style. Mes mots angoissent, mon encre noire, une véritable balafre. Ma voix rude froisse. Sur un son bétonné, je me place. Qui t'a étonné, les langues de vipères opérées, des ballons invétérés. Ouais, la source est en moi, elle ne bouge pas. Consommer allègrement, quel que soit l'endroit. Représenté jusqu'au bout, sans limite, je drive. Accroché à cette musique depuis un bail. Seul à la bataille, l'artillerie en couverture. Hardcore pour sûr, pour peu que je n'ai pas fait le plus dur. Y'a du chemin avant de retrouver celui de ma chambre. La danse est macabre, mon sabre saigne, la bise cambre. Mes doigts tremblent, ce n'est rien du tout. Je sais d'une once de faiblesse, aucun de mes genoux touche terre. Je suis du père, les années s'accumulent. De cellules en cellules, les esprits des locataires bulles. Ne te fais pas de billes, je suis au courant du deal. Même aucun arrangement n'est possible. En solitaire, je cherche, dois m'en sortir. Ce qui est écrit est écrit, je passe mon temps à le lire. Deux balles égales à un seul amour, tellement solide que même éloigné, nous tenons le même discours. En solitaire, je cherche, dois m'en sortir. Ce qui est écrit, je passe mon temps à le lire. Maintenant au courant que leur justice est de la baise. Notre comportement traduit ce que nos lèvres taisent. Ici c'est normal de soigner le mal par le mal. Une vie d'animal, mutilation physique et mentale. La place d'un soldat est au front, y'a pas de rat. La razzia approche à grands pas. On ne leur laissera pas le temps de pleurer. Lorsque le sang jaillira par giclée, ça sentira le cadavéré. Les sables se mouvent à chacun de mes moves. La censure bloque pour ne pas que je t'explique ce que je couvre. L'oppresseur est un glace, on gèle, puis brise pas mal de frères. Le givre fragilise pas mal de nerfs. Pas mal de monde embarqué, entravé, parqué. Les mêmes lascars en galère, les mêmes bâtards au parquet. Les chiens aimeraient que je fasse le saut final. Pas de bol, j'ai déjà coupé le cordon ombilical carcéral. Ne te fais pas de billes, je suis au courant du deal. Même aucun arrangement n'est possible. En solitaire, je cherche, dois m'en sortir. Ce qui est écrit, je passe mon temps à le lire. Deux balles égales à un seul amour, tellement solide que même éloigné, nous tenons le même discours. En solitaire, je cherche, dois m'en sortir. Ce qui est écrit, je passe mon temps à le lire. Mon côté fâché, déterminé par la frustration, par l'action diabolique des représentants de cette nation. Nous tenons le même propos. J, tu sais, 4 siècles de conflits affligent et laissent des plaies. Accroché aux miens, ils savent très bien, je garde le cap. Tel un chrétien, catholique face au pape. Le son nous est destiné à nos youths, à nos rats. Aux frères insoumis unis dans la rue, dans le rap. Ne te fais pas de bile, du kill tu connais. Les moments difficiles appartiendront au passé. Les jours me glissent au bout des doigts, je perds pas le doigté. Ma principale liberté est ma fraternité. Ok, je demeure l'auteur de ma propre histoire. Même si l'histoire m'a bloqué dans une sombre histoire. Qui nous sauvera? Qui appuiera sur le tombeau? Qui nous séparera tant que nous restons debout? Ne vous faites pas de billes, je suis au courant du deal. Même aucun arrangement n'est possible. En solitaire, je cherche, je peux m'en sortir. Ce qui est écrit, je passe mon temps à le lire. Deux balles égales à un seul amour, tellement solide que même éloigné, nous tenons le même discours. En solitaire, je cherche, je dois m'en sortir. Ce qui est écrit, je passe mon temps à le lire. Ne te fais pas de billes, je suis au courant du deal. Même aucun arrangement n'est possible. En solitaire, je cherche, je dois m'en sortir. Ce qui est écrit, je passe mon temps à le lire. Deux balles égales à un seul amour, tellement solide que même éloigné, nous tenons le même discours. En solitaire, je cherche, je dois m'en sortir. Ce qui est écrit, je passe mon temps à le lire.